Selon le journal d'internet sud-coréen Money Today du 26 octobre, Park Geun-hye, qui est dans l'impasse à cause des vices et corruption, est rejeté aussi par sa bande du Parti pour un nouveau monde, qui est pour elle une solide base politique. Par ailleurs, le 20 octobre, la radio CBS a critiqué les excuses de Park Geun-hye pour les vices et corruption.